You know that. Uh-oh, you know that. L'amour se calme mort, la haine c'est de maïs. Mais sans le mal porté en moi, putain qu'est-ce qui m'arrive. Mon esprit s'abandonne, je connais plus le sommet. Mes neurones ne fonctionnent plus à présent, jusque pour l'oser. Le diable me marque de son empreinte. Il montre comment empreinte pour commettre ses péchés, pour commettre ses atrocités sans fin. Comme Busta, je fais mon job à temps plein, mon tremplin. Il vient le fond de toutes ces rues, faut pas que tu t'en plaignes. Des possédés comme moi, y'en a par centaines. Cette chétane avec qui tous les soirs on casse la graine, man. Oui, à ta santé, à la tienne, complètement foncé à l'ancienne. C'est sur le boulevard, ce soir. Le pire du pub et sa place cliché. Passe pas ici la nuit, tu vas des ex-dollars et des villes si. Donc c'est ici que j'ai élu repère. Parce qu'à la vérité, c'est là où diable se la mère. Jusqu'à la mort, la haine c'est de maïf. Mais sans le mal, porté en moi, putain qu'est-ce qui m'arrive. Mon esprit s'abandonne, tu connais plus le sommeil. Mes neurones ne fonctionnent plus à présent, jusque pour l'oseille. Le diable me marque de son empreinte. Et mon comment empreinte, pour commettre ses péchés. Pour commettre ses atrocités sans fin. Comme Busta, j'ai mon job à temps plein. Mon tremplin, et bien le fond de toutes ces rues. Faut pas que tu l'as dans ta terre. Ainsi que dans ton herbe et dans ta pierre. Dans ta coke et dans ton crack. Dans les mains de ses pervers. Dans les regards de chaque plaque. Dans les menottes de chaque flic. À l'intérieur t'es de sale flic. Sale claque, t'es sale type. Et sur sa meuf s'agit. Jusqu'à ce qu'elle en peine naïve. Qui se juste en famille. Deux ans ma crise est récidive. J'exècre tous ces violeurs. Tous ceux qui n'ont pas d'honneur. Je ne vis que pour la maille. Pour le reste je ne suis pas preneur. L'argent apporte le pouvoir. Mais massacré, moi je sais pas, mais c'est à vous de voir. C'est pas mon gain. Par contre si tu me donnes la thune, cache-toi si tu me donnes la thune. Voilà, tout simplement car j'ai construit ma vie là-dessus. Voilà, mon but c'est de m'en sortir. Pas être que du biche, ne pas me battre et finir par fuir. Notre cette vie rien à bâtir et tout à dire. Non max ce putain dans le cause fasse partie de notre avenir. L'amour jusqu'à la mort, la haine c'est de maïf. Mais sans le mal porté en moi, putain qu'est-ce qui m'arrive. Mon esprit s'abandonne, je connais plus le sommeil. Mes neurones ne fonctionnent plus à présent, jusque pour l'oseille. Le diable me marque de son empreinte. Et mon comment empreinte, pour commettre ses péchés. Pour commettre ses atrocités sans fin. Comme Busta, j'ai mon job à temps plein. Mon tremplin, et bien le fond de toutes ces rues. Faut pas que tu t'en plaignes. Ici l'enfer, faut bien que tu te renseignes. Là-bas se trouve la tanière du diable, t'as pas vu l'enseigne. Ce soir tous mes démons montent en scène. Les bonnes manières de se faire tuer, c'est ça que j'enseigne. J'ai rien à foutre de cette vie. Mais comme il y en a pas d'autres, forcément faut que je réussisse, faut pas que je me vôte. C'est pas que je pense à ma vie avant celle des autres. Mais je crois pas qu'avant de penser aux vôtres, vous l'ayez fait pour les nôtres. Vous avez rendu plus raide la côte. Vous avez regardé que vos intérêts, mais quelle était belle la faute. On a que la haine et la dope. À qui doit-on en vouloir si cette cervelle la saute. À celui qui l'avance, lui qui l'a fait entrer. Je vais bien dans ton paradis, putain je vais te lenter. Que peut-on faire si tu laisses faire. Et toi qui contrôles ces calais, enfin je laisse faire. La haine c'est de maïs. Mais sans le mal porté en moi, putain qu'est-ce qui m'arrive. Mon esprit s'abandonne, je connais plus le sommet. Mes neurones ne fonctionnent plus à présent, jusque pour l'oser. Le diable me marque de son empreinte. Et mon comment empreinte. Pour commettre ses péchés, pour commettre ses atrocités sans fin. Comme Busta, j'ai mon job à temps plein. Mon tremplin, et bien le sang de toutes ces putes. Faut pas que tu t'en plaignes. La haine c'est de maïs. Mais sans le mal porté en moi, putain qu'est-ce qui m'arrive. Mon esprit s'abandonne, je connais plus le sommet. Mes neurones ne fonctionnent plus à présent, jusque pour l'oser. Le diable me marque de son empreinte. Et mon comment empreinte. Pour commettre ses péchés, pour commettre ses atrocités sans fin. Comme Busta, j'ai mon job à temps plein. Mon tremplin, et bien le fond de toutes ces rues. Faut pas que tu t'en plaignes.